Monsieur X veut m'entretenir hors micro d'un aspect de ses activités que j'ignorais complètement jusqu'alors. Que puis-je en dire sans trahir la promesse que je lui ai faite de garder pour moi ses confidences ? Simplement ceci. Dans les années 50, Monsieur X a exercé des fonctions électives. Jeune et brillant haut fonctionnaire, spécialiste des questions de renseignement, il avait déjà fréquenté quelques cabinets ministériels et des officines plus discrètes quand, à la faveur d'une rencontre, il a été chatouillé par le démon de la politique. Oui, il s'est présenté à une élection. Et à cette occasion, il a approché les plus hautes sphères du pouvoir. Je ne peux pas en dire plus, mais cet aspect de sa carrière lui a permis d'avoir des lumières sur quelques dossiers encore mystérieux, de ceux qu'on a coutume de dire qu'ils sont en eux-mêmes des secrets d'État. Après ce préambule, venons-en à l'entretien qu'il m'a accordé ce soir-là et qui porte sur une des affaires les plus étranges de la 4e République. Rien que son nom sonne comme un titre de roman d'espionnage, l'affaire des fuites. Les fuites, l'obsession de tout service de contre-espionnage. Des fuites au plus haut niveau de l'État, puisqu'elles avaient lieu dans un des endroits les plus secrets de la République, le Conseil de défense nationale. Or, nous sommes en 1954, en pleine guerre froide. 1954, l'année de Dien Bien Phu et de la fin de la guerre d'Indochine, la nôtre bien sûr. L'année où se joue aussi le destin de la CED, la Communauté européenne de défense, c'est-à-dire l'esquisse d'une armée européenne. L'année enfin où la France, sous l'impulsion de Pierre Mendès France, va décider de se doter de l'arme atomique. Et je ne parle pas de l'insurrection algérienne qui va ensanglanter la Toussaint de cette même année. Or, c'est en 1954 qu'éclate comme une bombe cette affaire des fuites. Nos secrets militaires les plus précieux aboutiraient régulièrement sur le bureau des dirigeants communistes de l'époque. Autant dire qu'ils atterrissent directement à Moscou. Le scandale est énorme. La presse hurle, l'opinion se pince le nez et la 4e République, durablement éclaboussée par cette affaire, finira par en mourir 4 années plus tard. C'est donc l'affaire des fuites que M. X avait l'intention de me raconter ce soir-là. Une affaire sur laquelle mon interlocuteur projette une lumière complètement nouvelle et, je l'avoue, tout à fait surprenante. Sobriety, more than twist. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Bon, écoutez, je vous le dis tout de suite, je n'avais encore jamais vu un tel sac d'embrouille. Plus cette affaire des fuites progresse et plus elle devient compliquée. Des personnages nouveaux apparaissent, placés là pour mieux emmêler les fils d'une affaire déjà suffisamment embrouillée. Mmh. Mais alors, comment s'en étonner lorsqu'on connaît le Deus Ex Machina, le grand manipulateur ? J'imagine que c'est un personnage que vous connaissez, alors, si oui. Vous en parlez comme ça. Oui, oui, très bien. Même si j'ai mis bien du temps à voir clair dans son jeu. Bon, alors si on commençait quand même par le début. Bon, écoutez, je ne vais quand même pas vous assommer avec tous les détails. Hein. Les grandes lignes de l'affaire sont connues maintenant. Oui, ben, parlez pour ceux qui ont vécu cette époque, hein, et qui d'ailleurs ont peut-être oublié en partie. Non, alors, sérieusement, comment ça commence ? Bon, comme vous voudrez. Une observation d'abord. Les fuites, en cette année 1954, c'était devenu une sorte de sport national. Des rapports militaires ultra-secrets sur la situation en Indochine avaient déjà été publiés dans la presse. Hein, dans France Observateur, dans L'Express et dans Libération. Mais le Libération de l'époque, c'est-à-dire le journal d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ouais, un journal qui était très très proche des communistes. Oui, mais avec le non-conformisme en plus. Hein. Il y avait des grandes plumes à Libération. Donc, ces journaux publient les informations qui n'auraient jamais dû transpirer. Bon, encore ça, c'était rien, à côté de l'affaire qu'on a appelée l'affaire des fuites. Oui, mais les fuites à Libération et les fuites dont vous allez nous parler, là, c'est un rapport ? Mais bien sûr ! Il fallait absolument préparer l'opinion, l'entretenir dans l'idée que cette République était totalement incapable de garder un secret. Bon, j'imagine, à l'époque, on a essayé de savoir d'où venaient ces fuites. Bon, évidemment, des précautions sont prises, des investigations vont commencer, et voilà, patatras, le gouvernement tombe. Alors ça, c'est, si je ne m'abuse, c'est le gouvernement Laniel hein, qui oui, tombe. Oui, oui, et c'est Pierre Mendès-France qui lui succède, en juin, si je me souviens bien. C'est ça. À ce moment-là, bien fou est tombé, nos troupes sont harcelées par Giap, Mendès-France veut sauver les meubles, enfin ce qui reste à sauver, et surtout, il veut arracher la paix la moins mauvaise possible pour la France. Donc la négociation marathon de Genève commence. Mendès-France va y donner le meilleur de lui-même. D'ailleurs, à ce moment-là, il a menacé, si les négociations n'aboutissent pas, le contingent sera envoyé en Indochine. Et c'est à ce moment-là que l'affaire des fuites a vraiment commencé. Mmh. Mais à ce moment-là, est-ce que Mendès-France est tout de suite informé ? Oui, oui, assez rapidement, encore qu'il ait d'autres chats à fouetter. Mais tout de suite, il prend vraiment la vraie dimension de l'affaire, parce que s'il y a réellement des fuites, elles peuvent avoir de graves conséquences dans la négociation ouverte avec les dirigeants Viet Minh. Bah, vous comprenez, dans cette partie de poker menteur, on ne peut pas jouer à jeu égal si l'adversaire connaît à l'avance vos cartes. Oui, ça, c'est sûr. Qui informe le pouvoir ? Début juillet, un ministre, Christian Fouché, pour ne pas le nommer, le futur ministre de l'Intérieur de mai 68. Fouché, donc, reçoit une curieuse visite. C'est un gaulliste, Fouché. Hein ? Oui, absolument. L'homme s'appelle Jean Dide. C'est un commissaire de la préfecture de police de Paris. Un flic au parcours particulièrement tortueux. Tortueux. Qui a la réputation d'être un des policiers les mieux informés sur le Parti communiste. D'ailleurs, en quelque sorte, sa spécialité. Mmh. Bon. Et alors, que dit-il à Fouché ? Eh bien, il fait une révélation absolument époustouflante. Dide affirme qu'au cours de la dernière réunion du bureau politique du Parti communiste, Jacques Duclos a lu une note résumant le contenu des travaux du Comité de défense nationale. Aussitôt, Christian Fouché prévient Mendès-France. Ce dernier décide de mener l'enquête, la plus discrète possible, bien sûr, et n'informe que le président de la République et quelques hauts responsables de la sécurité. Même les ministres hein, les plus importants, François Mitterrand, par exemple. Son ministre de l'Intérieur, ouais, à l'époque. Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas informé. Et pourtant, 3 jours plus tard, la rumeur commence à courir. Et dans les milieux de droite, on murmure même un nom. Il y a un traître au gouvernement. Et ce nom ? Eh bien, c'est celui de François Mitterrand, bien sûr. Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir. Octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Début juillet 1954, François Mitterrand est le ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, dont le gouvernement est en place depuis à peine 3 semaines. Pierre Mendès France qui négocie à Genève, pied à pied, la paix en Indochine dans une atmosphère dramatique et qui soudain apprend qu'il y a un traître dans les plus hautes instances du pays. Un traître qui divulgue nos secrets militaires aux communistes. Et ce traître, dans les milieux de droite, on le désigne nommément, c'est François Mitterrand. Je me suis reporté à la Bible de cette période, l'histoire de la 4e République de Georgette Elgey, parue en plusieurs volumes chez Fayard. L'historienne voit derrière cette campagne un homme, le préfet de police, Jean Bello, patron du fameux commissaire Dide, homme lige du précédent ministre, Léon Martineau Desplats. Il a fait de la préfecture une citadelle anticommuniste où l'on retrouve pas mal d'anciens policiers collaborateurs. Selon Georgette Elgey, Bello a peur d'être limogé par Mitterrand. Alors il prend les devants. Et c'est vrai qu'il a des raisons de craindre Mitterrand, car ce dernier veut effectivement se débarrasser de lui et en informe Mendès France. Je cite l'historienne. François Mitterrand lui dit « Il y a un cancer dans mon administration, la préfecture de police et Bello. Je vous demande l'autorisation de le faire sauter. » Naturellement, dit Mendès France, vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est vous que cela regarde. François Mitterrand précise, ce n'est pas du tout un petit problème. Bello est au mieux avec les francs-maçons et tout le personnel politique, cela va faire une histoire. Ne me faites pas perdre mon temps, répond Mendès France, vous êtes en charge. François Mitterrand passe à l'action. Dans la nuit, Mendès France reçoit 35 coups de téléphone. Toutes les personnalités du régime, y compris le président de la République, M. Coty, viennent l'adjurer. Surtout, ne touchez pas à Bello. Après une nuit totalement blanche, Mendès France convoque Mitterrand. Je ne savais pas si vous aviez raison de vouloir le départ de Bello. Maintenant, après toutes les interventions dont j'ai été l'objet, je sais que vous aviez raison. Faites-le tout de suite. Anecdote, je pense, qui illustre parfaitement le caractère et la manière de Pierre Mendès France. Mais venons-en à la suite de mon entretien avec M. X. Mais bon, quel était le but poursuivi par ceux qui faisaient courir la rumeur « Mitterrand est un traître » Il poursuivait au moins deux objectifs immédiats. D'abord, nuire à Mitterrand lui-même, sans doute, un personnage politique inclassable, ambitieux, brillant, trop brillant. Alors il fallait le casser avant qu'il ne prenne son envol. Mais la cible, la vraie cible, c'était le gouvernement de Pierre Mendès-France. Donc on voulait affaiblir ce gouvernement. Naturellement. Bon, j'y reviendrai là-dessus. Mais si vous permettez, j'aimerais revenir à des aspects plus subalternes, au ragoût bien crapoteux qui a été mijoté à la préfecture de police. Parce que tout vient de là. Alors vous voulez dire que la manipulation, c'est vous qui avez employé ce mot, a été initiée ou imaginée à la préfecture non, de non, police. Non, c'est pas tout à fait ça. Dans cette affaire, la préfecture, ça n'est que le bras armé de la manipulation. La tête, elle, est ailleurs. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. La préfecture de police à l'époque, c'est un endroit assez curieux. On y trouve des résistants authentiques, mais aussi des collabos qui, mystérieusement, sont passés à travers les gouttes et qui continuent à exercer. Et vous voulez parler là, du commissaire Dide ? Par exemple. Dide, sous l'occupation, travaillait aux renseignements généraux. Un service particulièrement sensible. Enfin, Dide était chargé de la surveillance des étrangers. Alors, vous imaginez lesquels ? Oui, j'imagine en tout cas. Et à la libération, il n'a pas été poursuivi ? Non, mais son chef, lui, a été fusillé. Enfin, passons. Il y a un autre personnage intéressant près de Dide, un certain Delarue. Lui, il a eu moins de chance que Dide, puisqu'il a été arrêté et condamné à 18 ans de travaux forcés. Mais il s'évade, disparaît quelque temps, et reparaît à la préfecture sous un faux nom. C'est extravagant, non ? Et comment vous expliquez ça ? Eh bien, tous ces gens avaient tous du répondant, c'est-à-dire qu'ils étaient plus ou moins couverts, c'est-à-dire qu'ils avaient hérité, en fait, du fichier des militants communistes, fichier qui avait été établi sous l'occupation, et en pleine guerre froide. Ça vaut très cher. Donc ces policiers, là, collabos, comme vous dites, ils ont donc monnayé leur impunité. Exactement, c'est ainsi qu'a été créée cette fameuse cellule anticommuniste, quasi clandestine, dont je vous parlais précédemment. Mais est-ce que cette cellule anticommuniste était au moins efficace ? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ses animateurs faisaient tout pour le faire croire. Il faut bien justifier son existence. Hein. Oui, et Dide, en particulier, disait disposer d'une source de premier plan au PC. Une taupe, un journaliste, André Barnès. Un type qui affirmait avoir accès aux plus hautes instances communistes. Ouais. Alors c'est ce Barnès qui lui a révélé les fuites du comité de la défense nationale. Bien sûr. Enfin, c'est ce qu'il affirme. Donc ce Barnès, lui, doit savoir qui était l'origine des fuites. Non, ça c'est trop simple. Non, Barnès sait qu'il y a des fuites, mais il ne sait pas qui en est l'auteur. Alors logiquement, on lui demande à lui, la taupe, de découvrir, chercher le traître. Résultat ? Rien. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résultat. Attends, là, je ne comprends plus du tout. Non, mais parce que c'est effectivement incompréhensible. Apparemment, en tout cas, je vous explique. Barnès est une taupe considérable, une source d'informations incomparable sur le PC. D'accord ? Mais si on utilise les secrets qu'il découvre, on le grille. Donc on ne se sert pas du matériel qu'il nous livre. Oui, mais alors à quoi il sert ce Barnès ? À rien, absolument à rien. Et quand mes amis et moi, on a compris. Ben, on a résolu une partie de l'énigme, parce que ça voulait dire que Barnès pouvait raconter n'importe quoi sur le PC, il était sûr de n'être jamais démenti. Ouais. Donc c'était un mystificateur. Exactement, mais un mystificateur qui était au centre de cette fameuse manipulation dont je vous parlais. Ma brune, ma brune. qui déjà invoque, seul et sans courage, que la nuit me porte dans un univers métamorphosé, immobilité minérale en statue de pierre. À l'affiche de mes voeux, loin des mares des solaires, de la nuit plein les yeux pour unique lumière. Dans un cirque lunaire, c'est comment qu'on oublie dormir toute une vie à une. Oui, je vois dans le noir se dessiner ma lune, mon icône transitoire qui veille. Ma brune, c'est comment qu'on oublie dormir toute une vie à une. À la une de mes voeux, pouvoir vivre ma lune comme un piton rocheux. À la une de mes rêves, comme la princesse de Clèves, c'est comment qu'on oublie dormir toute une vie. On retrouve Patrick Pénaud et Monsieur X. Qui était exactement ce journaliste, André Baranès, taupe de la préfecture de police au sein du PC? Je me suis référé aux mémoires de l'ancien patron de la DST, Roger Vibault, mémoire parue sous le titre « Bataille pour la DST » aux presses de la Cité. D'après Vibault, qui a joué un rôle essentiel dans cette affaire, Baranès aurait été membre du PC. Un temps journaliste à Libération, il aurait tenté dès 1950 de fournir à la police des informations sur le PC. Par exemple, il aurait proposé de communiquer des télégrammes envoyés par Staline à la direction du PC français. Des télégrammes rédigés en clair. Manifestement, c'était de la fumisterie et Vibault l'avait expédié sans autre forme de procès. 4 ans plus tard, Baranès reparaît donc. Puisque c'est lui qui affirme au commissaire Did que les communistes ont connaissance des travaux du Conseil de défense nationale. Et c'est à partir de cette information que l'affaire des fuites éclate. Mais, vous l'avez entendu tout à l'heure, Monsieur X prétend que ce Baranès n'était qu'un mystificateur. Donc, si je vous suis bien, on ne savait pas si le contenu de ces fameuses fuites aboutissait vraiment au PC. Non, puisqu'on ne pouvait pas faire confiance à Baranès. Oui, mais les fuites, elles étaient bien réelles. Oui. Et elles vont même se multiplier. Début septembre, un nouveau conseil de défense va se tenir. Pierre Mendès France demande que la salle du conseil des ministres où se tiennent ces réunions soit passée au peigne fin. Il pensait qu'il y avait des micros. Oui, mais l'examen qui a été fait par les techniciens de la DST est tout à fait négatif. Il n'y a pas de micro. Donc, la réunion se tient normalement. Ouais, alors, qui participe à ce conseil de défense? Eh bien, le président de la République. Coty, hein, à l'époque. Oui, ouais. Le président du conseil. Une petite poignée de ministres et de hauts responsables de l'armée. Le secrétaire de séance est un haut fonctionnaire, Jean Mons, qui est secrétaire général de la Défense nationale. Et pourtant, 4 jours plus tard, vous entendez, 4 jours plus tard, après cette fameuse réunion, on murmure déjà dans les milieux bien informés, comme on dit, qu'une nouvelle fuite a eu lieu. Et toujours en direction du PC? Bien évidemment. Mais à partir de ce moment-là, l'affaire va prendre un tout autre aspect. Parce qu'un homme, à ce moment-là, entre dans le jeu. Et c'est un véritable coup de pied dans la fourmilière. Cet homme, c'est qui? Roger Vibault, le patron tout-puissant de la DST. Encore un personnage, celui-là, une esthète qui a soigné sa légende. Toujours accompagné de gros chiens, toujours élégant, toujours séduisant, célibataire endurci. On ne lui a jamais connu de relation féminine. Machiavélique, secret, et il est surtout craint, terriblement craint. Un type, enfin, qui s'empare de cette affaire des fuites à bras-le-corps et qui va peu à peu en faire sa propre affaire. Ouais. Je vous signale que Vibault, souvent, on l'a comparé à Hoover, hein, le patron du FBI. Enfin, bon, c'est un détail. Mais lui, alors, Vibault, lui, il commence par où? Bien, lui aussi, enfin, comme moi et mes petits camarades politiques, il a des doutes sur Baranès et sur Did. Alors, il les met sur écoute. Il les fait filer. Et presque tout de suite, il obtient des résultats. Alors, très, très vite, il obtient l'autorisation du ministre de l'Intérieur. François Mitterrand, hein? Oui, oui, oui. Il obtient donc l'autorisation de faire interpeller Did. Et dans sa serviette, on trouve un compte-rendu. Ça vient de Did. Oui, on trouve un compte-rendu du comité central du Parti communiste qui relate les dernières délibérations du Conseil de la Défense. Alors, on l'interroge, mais Did refuse de dire comment il a obtenu ce document. Il ne peut pas expliquer non plus pourquoi il n'a pas aussitôt transmis ce document à son ministre. Alors, pourquoi agit-il ainsi, ce commissaire ? Pour protéger son informateur, Baroness ? Vraisemblablement, oui. Mais c'est inutile, car déjà, Vibo fait opérer une perquisition chez Baroness et trouve d'autres documents semblables sur des réunions précédentes du Conseil de Défense. C'est quand même grave. C'est même très grave. Et une information aussitôt est ouverte pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, Did et Baroness sont tout de suite arrêtés. Oui, mais ils sont tout de suite relâchés. Ah bon ? Ben pourquoi ? Tout simplement parce que Did réussit à persuader le juge d'instruction que Baroness est un patriote, un espion irremplaçable au sein du PC. Ouais, curieux. Oui, curieux, comme vous dites. Oui. Car aussitôt libérés, les deux hommes commencent une véritable campagne d'intoxication. Ils visent à ce moment-là Mitterrand, toujours. Et aujourd'hui, ben, vous auriez vraiment du mal à imaginer la violence des attaques de la presse contre Mendès France et Mitterrand, bien sûr. Mais enfin, peu importe. Car Vibo n'est pas décidé, lui, à lâcher son morceau. Là. Ce qu'il veut savoir, lui, c'est qui, mais qui est vraiment à l'origine de ces fuites ? Alors, comment il va procéder ? Ben, comme un bon flic. Il se dit que la première chose à faire, ben, c'est de comparer les notes qui ont été prises au Conseil de la Défense par le secrétaire général, Jean Mons, et les papiers qui ont été retrouvés chez Baroness. Et là, enfin, il va approcher de la vérité, enfin, une certaine vérité. Mais pourquoi vous dites d'une certaine vérité ? Parce que l'information la plus importante, et qui curieusement passe inaperçue, est contenue dans le rapport de filature du commissaire Did par la DST. Le jour où Baroness lui a remis les documents, qu'il a soi-disant trouvés au comité central du PC, Did rencontre son ancien patron, le préfet Bello, puis il se rend chez un agent des services américains. Un agent de la CIA ? Oui. Et cette fameuse information, c'est la clé, cette affaire. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tourne les vents. Inexorablement, elle attend. Elle attend que l'horizon bouge. Elle attend que changent les gens. Elle attend comme un coup de foudre le règne des anges. Inexorablement, elle attend. Elle attend que la grande roue tourne, tourne les aiguilles du temps. Elle attend. Autant ses couverts en argent, inexorablement, elle attend. Et elle regarde des images et lit des histoires d'avant. Donnerait de grands équipages où les bons sont habillés de blanc. Et elle s'invente des voyages entre un fauteuil. Si vieux roman, aussi grand que celui qu'elle attend. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. Un mot sur Vibo, le patron de la DST de l'époque, en place depuis la Libération. Mon confrère du Monde, Théo Lair, en a fait un portrait assez savoureux, je le cite. Il arrive que le poste crée le personnage. Monsieur Vibo est mystérieux. Son nom est un pseudonyme. Il paraît peu dans les salons et les soirées. Il aime les fleurs, les chiens musclés, la vie paisible et confortable. Il vaut mieux être de ses amis que de ses adversaires. Fin de citation. Quant à son biographe, Philippe Berner, il ajoute « Roger Vibo, peintre et auteur de théâtre à 16 heures, est fasciné par l'irrationnel, la magie, l'hypnose et l'astrologie. Il paraît même qu'il ne décide de rien sans avoir mis les astres dans son jeu. Voilà donc l'homme qui, avec ou sans l'aide des astres, est en charge d'élucider l'affaire des fuites. » Encore une parenthèse avant de poursuivre la diffusion de ma conversation avec M. X. Celui-ci me disait qu'une violente campagne de presse avait été menée contre le gouvernement de Mendès France. J'ai retrouvé les journaux de l'époque. Un exemple qui donne bien le ton. Dans l'Aurore, Robert Lazuric interpelle François Mitterrand à propos de l'enquête de la DST de Vibo. « Nous ne pouvons tolérer que dans votre administration, on rencontre un service qui songe plus à protéger les communistes qu'à défendre la liberté. Vous ne pouvez le tolérer non plus. Autrement, M. Mitterrand, vous ne pourriez pas rester ministre de la République. » Quant aux Américains, à rapprocher de la dernière confidence de M. X sur la rencontre entre Dide et un agent de la CIA, les Américains donc réagissent aussi violemment. On lit par exemple dans le Washington Post que des mesures auraient été prises dans la police parisienne à l'effet d'éliminer des agents connus pour leurs sentiments anti-communistes. Ceci donne à penser que ceux qui sont appelés à les remplacer sont plutôt favorables aux communistes. Fin de citation. Je crois que c'est assez clair, mais retrouvons M. X. M. X, est-ce que vous n'avez quand même pas un peu trop tendance à voir la CIA un peu partout ? Écoutez, je la vois là où elle est. Un point, c'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi les Américains sont intervenus dans cette affaire. Enfin, si vous le voulez bien, finissons d'abord avec l'aspect purement policier. Vibo fonce, malgré les hommes de la préfecture de police qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il faut le savoir, ça aussi. Bon, c'est une autre histoire. En tout cas, en comparant les notes de Jean Mons et les papiers de Barnes, Vibo a la conviction qu'il faut chercher le ou les coupables au sein même du secrétariat général de la Défense. Pourquoi ? Parce qu'en comparant les notes, il a vu que c'était les mêmes. Exactement. Ça innocente immédiatement les autres participants au Conseil de la Défense, qui, eux, n'ont pas pris de notes. Donc ça innocente les ministres. Ah oui, tout à fait. Hein, oui, Mitterrand, absolument. Par exemple. Donc à partir de là, Vibo fait encore une fois un travail de bon flic. Et il découvre le pot aux roses en recueillant les aveux de deux des collaborateurs les plus proches de Jean Mons. En effet, Mons, qui était pourtant un haut fonctionnaire zélé, mais qui avait le tort d'avoir une confiance aveugle dans ses collaborateurs, avait tout simplement commis la négligence de laisser traîner ses notes sur son bureau. Ouais, c'est pas très prudent, en effet. Et ces deux hommes, c'était donc des traîtres. Écoutez, je vais vous donner mon sentiment. Je ne le pense pas. Ces deux hommes, dont je ne veux même pas prononcer le nom pour ne pas les embarrasser s'ils vivent encore, ont agi par idéalisme. Ça, j'en suis persuadé. Je ne comprends pas très bien. Si, c'était des pacifistes. Opposés à la guerre d'Indochine. Un jour, ils ont rencontré un brave homme comme eux, un type qui partageait leurs convictions, un journaliste. Le fameux Baranès. Baranès, bien sûr. Et pensant que leurs informations pouvaient accélérer le processus de paix, ils ont eu la faiblesse de lui communiquer quelques-uns des secrets du Conseil de la Défense. À partir de ce moment-là, ils avaient mis la main dans l'engrenage et après, impossible de reculer. Donc, après l'arrestation de ces deux hommes, ces deux collaborateurs de Jean Mons, victoire totale de Vibo. Oui et non. Parce que Vibo, qui était une espèce de fanatique, s'était mis dans la tête que le vrai coupable, c'était Jean Mons. Alors là, allez savoir pourquoi, il était persuadé que Mons était un agent soviétique. C'est d'autant plus étrange que Vibo, comme moi, avait découvert que Baranès était un mystificateur et que les fameux comptes rendus du Conseil de la Défense n'allaient jamais au PC. Attendez, ça, c'est pas très clair. Pourquoi se donner tant de mal pour obtenir des informations secrètes, ultra-secrètes, si on ne s'en sert pas ? Parce que, M. Penaud, ce qui importait, enfin, ce n'était pas le contenu des fuites, c'était de faire savoir qu'il y avait des fuites. Vous comprenez maintenant ? C'était de faire savoir qu'il y avait des fuites, c'est ça. Oui, je comprends un peu mieux, mais enfin... Écoutez, il fallait faire la preuve qu'il y avait des traîtres au gouvernement et que le pouvoir était noyauté par les communistes. Comprenez, cette espèce de salade, c'était l'objectif du grand manipulateur, c'est de faire tomber ce gouvernement. Ouais. Donc, bon, si je vous ai quand même bien suivi, hein, le grand manipulateur, c'est la CIA pour vous. Ouais, oui, le représentant à Paris de la CIA, un homme que je connaissais très bien et que connaissaient aussi les protagonistes de cette affaire dont ils étaient de gentils correspondants. Le commissaire Did ? Pourquoi pas ? Il avait eu des contacts avec l'URSS après la guerre. Oui, l'ancien, enfin, en principe, d'après ce que vous avez dit, un type qui n'était pas très clair du côté de la collaboration. Mais pourquoi la CIA était tellement acharnée à perdre le gouvernement de Pierre Mendès-France ? Tout simplement à cause de la CED, la Communauté Européenne de Défense. Les Américains y étaient farouchement attachés parce que ce fameux traité de défense représentait pour eux une pièce essentielle de l'Alliance Atlantique. Or, ils soupçonnaient l'homme de gauche, qui était Mendès-France, d'y être hostile. Il l'a en effet été, puisque le projet de traité a été repoussé par l'Assemblée sous son gouvernement. Voilà tout simplement pourquoi on a essayé de le déstabiliser à travers cette malheureuse affaire des fuites, qui était tout et pour tout une mystification du début à la fin, quoi. À cause de la CED, tout simplement. Je vous laisse libre de juger si la thèse de M. X est vraisemblable ou pas. Pour ma part, j'ai trouvé dans le livre de Georgette Elgey, que j'ai déjà cité, un extrait d'une lettre d'André Bédancourt, l'ancien ministre, à Pierre Mendès-France. Les Américains, écrit-il, s'imaginent que vous leur cachez votre véritable jeu. Ils n'ont pas confiance. Cette impression a été renforcée par tout ce qui a été dit sur vous par vos adversaires. Mendès-France prépare petit à petit le renversement des alliances. Ce sera d'abord l'isolement de la France, puis, fatalement, le rapprochement avec l'Est. Une telle perspective, convenons-en, était bien de nature à affoler le président Eisenhower. Et pourquoi pas ? À le convaincre de faire en sorte que Mendès-France quitte le pouvoir au plus tôt. Ce qu'il devra faire, d'ailleurs, au bout de seulement 7 mois de pouvoir. À samedi prochain.